À l'occasion du 80e anniversaire de la victoire dans la bataille de Potsdam, les permanentes et membres de l'Union des femmes se sont réunis le 2 courant à la Maison des femmes à Pyongyang pour l'exposé des souvenirs des guerrieros anti-japonais. Elles ont exprimé leur détermination de manifester sans réserve l'esprit des femmes coréennes de l'époque de Sun Gun dans l'actuelle campagne générale pour l'application de la décision du 7e congrès du Parti du Travail de Corée avec l'esprit révolutionnaire et l'esprit du blizzard du Paektu en brandissant comme l'étendard éternel de la victoire le flambeau de la révolution et de la lutte allumé à Potsdam.